Maintenant, y a aussi le boulot. Hein. Voilà, des chansons sur le boulot, j'en ai pas mal, mais j'en ai sélectionné une qui est dédiée à mon copain Daniel. Daniel qui était, parce qu'il a pris sa retraite cette année, il était chauffeur routier. Et il habite Val-d'Olvisheim. Val-d'Olvisheim, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est à 5 km d'ici. Et puis tout le monde dit Valdo, parce que Val-d'Olvisheim, c'est un peu trop long à dire. On dit, tout le monde appelle Val-d'Olvisheim Valdo. Et donc j'ai fait un blues pour lui. Comme il aime bien le blues, il aime bien le country et tout ça. Donc j'ai fait un blues pour lui que j'ai appelé le Waldo Blues. Il fallait que ça fasse un peu américain, quoi. Parce que Valdo Blues, ça va pas. Le Waldo Blues. Quand Daniel prend son beau camion pour sillonner les routes de France, le lundi matin, mais qu'est-ce qu'il y prend, le Waldo Blues. Daniel prend son beau camion pour sillonner les routes de France. Le mardi matin, mais qu'est-ce qu'il y prend? Le Waldo Blues. Yeah. Quand Daniel prend son beau camion pour sillonner les routes de France, tous les matins, on va faire court, de la semaine fait. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Le Waldo Blues. Et Daniel garde son beau camion tout près de sa petite maison. Le week-end venu. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Le camion blues. Oh, thank you.